Premier livre des Chroniques, chapitre 20. Or il arrive à l'armée suivante, autant que les rois font leur sortie, que Joab conduisit le gros de l'armée, et ravagea le pays des enfants de Ammon, puis il alla assiéger Rabba, tandis que David demeurait à Jérusalem, et Joab bâtit Rabba, et la détruisit. Et David prit la couronne de dessus la tête de leur roi, et il trouva qu'elle pesait un talent d'or, et il y avait des pierres précieuses, et on la mit sur la tête de David, qui emmena un fort grand butin de la ville. Il emmena aussi le peuple qui était, et les scia avec des scies, et avec des herses de fer et de scie. David traita de la sorte toutes les villes des enfants de Ammon, puis il s'en retourna avec tout le peuple à Jérusalem. Il arriva après cela que la guerre continua à Gézé contre les Philistins, et alors Sibeka il l'Usatite frappa Sipaï, qui étaient des enfants de Rapha, et ils furent abaissés. Il y eut encore une autre guerre contre les Philistins, dans laquelle Elhanan fils de Jaïr frappa Lami, frère de Goliath Guitien, qui avait une hallebarde dont lampe était comme l'ensuble d'un tisserand. Il y eut encore une autre guerre à Gath, où se trouva un homme de grande stature, qui avait six doigts à chaque main, et six orteils à chaque pied, de sorte qu'il en avait en tout 24, et il était aussi de la race de Rapha. Et il défia Israël, mais Jonathan, fils de Sima frère de David, le tua. Cela naquira Gath, ils étaient de la race de Rapha, et ils moururent par les mains de David, et par les mains de ses serviteurs.